On va parler des Castors de Dolbeau. Les Castors de Dolbeau qui ont un nouvel entraîneur-chef. Il s'agit d'un homme qu'on a bien connu, qui est un habitué de Dan Radio Sport il y a 2 ans. C'est l'ancien instructeur-chef des Éperviers Normandins, Daniel Tremblay, et qui est maintenant le nouvel instructeur-chef de l'équipe. On lui parle. Salut, Daniel. Salut, Daniel. Quand tu as quitté les Éperviers, tu dis j'ai pas le temps, j'ai des nouveaux défis, on sait que tu as une bleuetière également. Là, un an plus tard, tu acceptes la direction des Castors de Dolbeau. Est-ce que tu t'es trouvé du temps? Ou tu l'as inventé? Écoute, je me suis trouvé du temps. J'en ai peut-être inventé un petit peu du temps. Sauf que j'avais des choses à mon travail au niveau de mes fonctions que j'avais pour 18 mois. Okay. Il y a de cela un an et demi. Donc, ça, c'est rentré dans l'ordre. Donc, je suis en mesure, là, les mardis soirs et jeudis soirs, d'être présent aux activités des Castors. OK. Donc, comment tu vois ça, ton nouveau défi? Parce que les Castors, l'année passée, ça n'a pas été facile. Et il me semble qu'on serait dû pour une bonne année. Là. Ça fait longtemps que les Castors n'ont pas... Les Castors, c'est synonyme, je pense, de victoire. Et ça fait longtemps que les Castors n'ont pas eu une bonne année. Là. Écoute, effectivement, l'an passé, ça n'a pas été facile, seulement 4 victoires dans l'année. On avait un noyau de jeunes qui n'était pas nécessairement facile, qui n'était pas nécessairement intéressé. On en parlait justement cette année lorsque on doit courir après des joueurs pour qu'ils fassent l'équipe. Ça fait pas des joueurs nécessairement intéressés. Alors que cette année, je dois te dire qu'il y a eu, on a eu 28 jeunes qui ont participé au camp de sélection des Castors. Puis, au moment où je te parle, je suis garanti que l'équipe va être plus performante. Beaucoup plus de tous les jeunes très intéressés. Okay. Puis je crois que les supporters à Dolbeau devraient avoir une belle équipe devant eux sur la patinoire. OK. Donc, plus de jeunes intéressés, ça c'est déjà une bonne nouvelle. Une meilleure équipe. Donc, à quoi va se situer la force des Castors? La force des Castors devrait se situer, entre autres, au niveau de la rapidité d'exécution. On a des jeunes joueurs très rapides. On a une défensive également qui va être beaucoup plus stable que l'an passé. Moi, je pense des deux gardiens d'expérience, les mêmes gardiens qu'on avait l'an passé. Mais tu sais, quand tu marques pas de but, ça devient très difficile pour les gardiens de but de performer parce que tu es toujours à garder les filets sur les talons. Donc, cette année, j'espère qu'on va être en mesure de donner un coussin à nos gardiens de but beaucoup plus souvent que l'an passé. OK. Si on parlait maintenant de ce qui reste maintenant à travailler. Qu'est-ce qui reste à travailler? Écoute, avec la nouvelle réglementation sur le contact physique, je pense que le début de saison va être extrêmement important, entre autres au niveau des unités spéciales, que ce soit avantages numériques, désavantages numériques. Ça va être très, très important parce qu'on s'attend à ce qu'il y ait beaucoup de pénalités en début de saison. Donc, les unités spéciales vont être très importantes. On a travaillé hier soir l'avantage numérique, le désavantage numérique. On a travaillé beaucoup par rapport au positionnement des joueurs. Puis, écoute, ça va être super intéressant. Puis, je pense qu'avec le contact physique, moi, je crois que ça va faire du hockey très rapide et on va voir sortir les bons manières de rentrer. 28 joueurs, c'est quand même intéressant parce que je me rappelle quand la nouvelle réglementation a rentré en vigueur au printemps dernier, on disait les gens vont ça va affecter le double lettre, les gens vont aimer mieux payer 300$ et dans simple lettre parce que c'est sensiblement la même affaire. Donc c'est intéressant là, quand même, 28 joueurs. Oui, moi je pense que c'est pas du tout la même affaire le simple lettre et le double lettre parce que un coup que tu as pratiqué ton approche au porteur palette à palette avec les patins dans le même sens que le joueur adverse, tu as le doigt au contact physique, épaule, grand dorsal et hanche, donc des mises en échec sont ils appellent ça contact physique, mais c'est beaucoup plus viril que du hockey sans aucune approche. OK. Maintenant, donc... Pour dire qu'est-ce que tu disais, 28 joueurs, c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. on aurait aimé en avoir 40, c'est sûr. Oui, c'est beaucoup, mais je peux te garantir cependant qu'il n'y a aucun joueur que je connais ou qui a joué l'an passé pour les Castors, qui a arrêté cette année ou qui s'en va dans le A cette année parce qu'il n'y a pas de contact. Okay. C'est bon, ça. Au niveau des adjoints, Sébastien Godreau, qui était là l'an passé, revient, j'imagine. Il va être adjoint. Moi, on m'a dit qu'il serait instructeur des gardiens de but. C'est-tu vrai? Tu as une très bonne information. Ouais. Sébastien va travailler à 95% de sa tâche au niveau des gardiens de but. Okay. Parce que moi, je pense que c'est une chance qu'on a d'avoir un connaisseur et un énorme technicien au niveau des gardiens de but comme Sébastien. Fait que je pense que les jeunes, faut vraiment les en faire bénéficier parce que c'est pas à tous les niveaux qu'on peut avoir des bons entraîneurs de gardiens. Puis nous, on a la chance d'avoir Sébastien. Continue. Pour ce qui est avec les entraîneurs des défenseurs, j'ai Steve Chenac, qui était l'entraîneur-chef du Manitoba l'an passé à l'Utessini. Steve plusieurs années d'expérience aussi en coaching. Steve est mon adjoint. Il a déjà été mon adjoint dans une autre catégorie. Puis moi, j'avais aimé travailler avec Steve. Puis on s'entend quand même bien. Puis on a beaucoup de respect mutuel. Fait que Steve va s'occuper des défenseurs. Moi, je vais m'occuper des avants et des systèmes de jeu. Puis Sébastien va s'occuper des gardiens. OK. Au niveau maintenant, on a parlé de 28 joueurs. Il en reste... est-ce qu'il y a eu des premières coupures de fin? Oui, mon équipe est pratiquement terminée. OK, monsieur. Oui, mon équipe, il me reste peut-être un joueur, peut-être à couper, peut-être pas non plus. Ça va dépendre, on regarde notre affaire. En fin de semaine, on joue 3 matchs. Vendredi, samedi, dimanche. Donc, dimanche soir, mon équipe va être complétée. Ah, c'est bon. Donc, il reste combien de joueurs tu dis à couper, à peu près? Peut-être un, peut-être pas. Ah, OK, OK. Ça va dépendre de qu'est-ce qu'on va voir en fin de semaine. OK, OK. Ben, Daniel, il me reste que de souhaiter la meilleure des chances. 3 matchs en fin de semaine. Et la saison va commencer quoi? Autour du début octobre, j'imagine? Non, cette semaine, contrairement aux années antérieures, cette semaine, cette année, c'est-à-dire, on débute le 25 septembre. 25 septembre, donc c'est un petit peu plus bonheur que. Oui, puis on joue exactement. Puis on joue 30 parties au lieu de 20. Ah, c'est bon. Puis, il n'y a aucune activité qui va se produire pendant la semaine de relâche, tant pour les séries que pour la saison. C'est une bonne affaire. L'année passée, ça avait été critiqué. David Boudreau, à Saint-Félicien, trouvait ça un petit peu spécial. Puis, il n'y avait pas de sermentor. Donc, Daniel, on se reparle tous les semaines. Ça va être un rendez-vous à tous les jeudis. Puis, je vais sortir la meilleure des chances. Merci beaucoup, Daniel. Ça me fait plaisir. Voilà l'instructeur-chef des Castors de Dolbeau, Daniel Tremblay.